Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Artiste 3.0. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume. Donc, Guillaume, tu peux te présenter si tu veux. Salut à tous, déjà je m'appelle Guillaume Desjardins et je suis réalisateur, auteur, vidéaste sur Internet. Enfin voilà, la plupart de mes créations ont été diffusées sur Internet. Et voilà, donc Guillaume, donc tu travailles exclusivement sur Internet, c'est ça? Ou tu fais quelque chose en parallèle aussi? Non, c'est plus que tout ce que j'ai fait a été diffusé. Enfin, pour faire un petit historique, je suis passionné de la vidéo depuis que je suis petit. Et puis, même depuis que je suis petit, même avant YouTube, je commençais à mettre mes vidéos en faisant des sites internet moi-même pour essayer que les gens le voient. Personne ne regardait, mais l'intention a été d'utiliser Internet pour que les gens voient mes créations. Et voilà, mais du coup, ça s'est fait un peu naturellement que j'ai poursuivi à faire des vidéos sur Internet après une école de ciné et tout, et puis à faire des concours vidéo 48 heures ou sous le nom d'équipe Les Parasites. Et en fait, pareil, naturellement, plutôt que d'envoyer les films en festival, plus par flemme que par choix, bah, en fait, on les mettait sur Internet, on avait l'impression que il serait beaucoup plus vu que d'attendre une potentielle sélection dans un festival. Donc voilà, et finalement, une audience s'est mise autour des courts-métrages des Parasites. Et du coup, c'est devenu encore plus évident de publier sur Internet puisqu'il y avait des gens qui regardaient. Et plus seulement la famille et les amis, quoi. Et donc, ça veut dire que tu vois Internet comme quelque chose qui va t'apporter de la visibilité ou c'est plus que ça pour toi? Ah bah ouais, bah clairement, de toute façon, si tu fais une création, tu veux qu'elle soit vue. Si elle est vue que par toi, ça perd son sens. Enfin, tu crées pour les autres, en tout cas. Enfin, on crée pour s'amuser, je crée pour m'amuser, mais je crée aussi pour que les gens le voient. Et ouais, non, c'est un moyen de diffusion comme un autre. Après, approfondis ta question, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus que ça dans ta question. Non, mais du coup, est-ce que tu penses que la seule utilité d'Internet, en tout cas vis-à-vis de ton travail, c'est que ton travail soit vu par le plus grand nombre de gens, ou ça va au-delà de ça? C'est aussi pour interagir avec les personnes qui vont consommer ton travail, et donc c'est quelque chose qui va toucher que à la visibilité, ou ça parle aussi de l'échange et ça parle aussi de d'autres choses? Ouais, c'est surtout pour moi, c'est surtout un moyen de diffusion. Les échanges qu'il peut y avoir, pour moi, ils sont très limités parce que c'est des commentaires que les gens écrivent sans forcément s'adresser au créateur, mais pour se communiquer entre spectateurs. D'ailleurs, des fois, c'est drôle quand il y a des critiques hyper virulente et qu'on répond, les personnes ont tendance à s'excuser comme s'ils pensaient qu'on regardait pas les commentaires. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait des échanges très constructifs une fois la diffusion faite, quoi. Donc non, je vois plus ça comme un moyen de diffusion, mais aussi un moyen de construire des choses ensemble, en tout cas de rencontrer des gens. Enfin, à partir du moment où finalement tu montes ton travail, tu seras plus amené à rencontrer d'autres gens qui voudront travailler avec toi et inversement. Et t'as rencontré beaucoup de personnes grâce à tes créations sur Internet? Ouais. Non, en vrai, ouais, il y a des personnes qui... en fait, tu sais, à côté, j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Rouge Vert Bleu, où je me filme face caméra pour donner des conseils que je n'ai pas eu en école de ciné ou que j'ai difficilement trouvé sur Internet. Et du coup, c'est une espèce de façon pour moi de transmettre ce que je sais et en même temps une vengeance par rapport à l'école et parce que j'adore parler de ma passion. Donc du coup, c'était juste évident de faire ça, même si montrer ma tête n'a pas été évident au début. C'était un petit challenge. Est-ce que tu fais aussi partie de cette génération qui a vraiment commencé la vidéo grâce à Internet, ou t'es avant ça? T'as commencé avec les influences familiales, culturelles, ou la télévision? Ah, moi j'ai commencé parce que, ouais, plus télévision, cinéma, mais plus parce que juste mon père avait un caméscope H8, tu vois, c'était pas encore du numérique, enfin c'était du numérique mais sur bande magnétique. J'ai commencé à faire ça, mais tu vois, je filmais, c'était un jeu, c'était pas du tout... L'intention n'était pas de faire un film de cinéma, c'était plus de faire des gags, on se filmait et puis on branchait sur. Enfin, je dis on parce que je faisais ça avec mes frères et mes cousins. Et on branchait ensuite la caméra sur la télé et puis on regardait quoi. Enfin, c'était du tourné-monté. Il y avait, c'était vraiment un jeu. Puis finalement, ça me plaisait tellement que, enfin, au fur et à mesure, c'est devenu une logique. Mais non, quand j'ai commencé à mettre mes vidéos sur Internet, il n'y avait pas YouTube. Ou alors, je connaissais pas YouTube parce que c'était pas encore racheté par Google. Je commençais à héberger mes vidéos. Tu vois, les premières vidéos que j'ai mises sur Internet, c'était sur un site où parce qu'on avait des connexions 56K, je compressais ma vidéo dans une archive zip. C'est-à-dire que pour la regarder, il fallait télécharger le zip et le décompresser. Et après, tu avais une qualité pourrie en Windows Media Video. Ouais, je sais plus, le WMV, là, Windows Media Video. Et c'était à chier, quoi. Et... Mais c'était impératif pour faire le Guillaume que tu es aujourd'hui. Ouais, mais c'était rigolo. Mais enfin voilà, donc c'est pas, je suis clairement pas influencé par, enfin c'est pas les créateurs vidéo sur Internet qui m'ont donné l'envie de faire des vidéos. Mais du coup, tu te considères un petit peu comme un mentor pour toutes les personnes qui vont te suivre, ou c'est juste une démarche pour t'amuser toi-même, et si ça amuse d'autres personnes, c'est le principal? Ah ouais, non, clairement, mais je pense qu'on peut tous être, on peut tous apprendre des autres et on peut tous apprendre aux autres. Je me considère pas le mentor ultime et ouais, je pense qu'on peut tous être mentor de quelqu'un. Et j'ai vraiment fait mes vidéos rouge vert bleu en me disant d'essayer de faire les vidéos que j'aurais aimé moi trouver il y a 5-10 ans, tu vois. Des vidéos qui auraient pu m'aider à aller plus vite, à apprendre plus vite. À débloquer des choses plus rapidement. C'était vraiment l'intention, je m'adressais à moi d'il y a 5-10 ans. Ouais. Mais du coup, toi, de il y a 5-10 ans, comme tu dis, tu n'as pas bénéficié de toutes ces aides-là et de tous ces conseils qu'on peut trouver actuellement sur Internet avec ta chaîne, mais aussi avec beaucoup d'autres chaînes. Mais tu as fait comment pour apprendre du coup? C'était à tâtons ou c'était en lisant des livres avec des proches Oh bah j'ai vachement appris en faisant par moi-même, en galérant des heures sur des logiciels et tout, mais oui, avec les tutos sur internet, par exemple pour After Effects, les effets spéciaux et tout, il y a le fameux site Vidéo Copilot d'Andrew Kramer où il y a des tutos incroyables, qui a été pour moi un peu les premiers tutos que j'ai regardés, sinon les logiciels de montage et tout, bah j'apprenais en explorant le logiciel, quoi, en bidouillant dedans. Et ouais, voilà, non, sinon c'est vraiment en pratiquant en fait que j'ai appris. J'ai dû avoir un livre de réalisation, tu sais, où il te montre les plans possibles. Je sais pas si tu vois. Enfin, tu sais, genre les différentes échelles de plans, la plongée, la contre-plongée, tu vois, des termes comme ça. Non, mais on a tous eu un livre comme ça. Hein. Et après, d'où il est venu ce désir de faire une école de cinéma? Parce que t'as fait un BTS audiovisuel, toi, c'est ça, d'après ce que j'ai compris? Non, j'ai fait une école privée en 3 ans. Bah en fait, c'était juste. Je te dis, c'était une espèce de suite logique évidente. Je ne me voyais rien faire d'autre. Enfin, j'étais tellement passionné par la vidéo que c'était. Je ne me voyais pas. Enfin, ouais, m'embarquer dans une branche qui n'était pas en lien avec la vidéo. Et du coup, mon lycée, ma mère m'a dit, ah tiens, à Amiens, parce que je viens de Picardie, à Amiens, il y a un lycée avec option audiovisuelle, peut-être que ça te pourrait te plaire. Et du coup, je m'étais inscrit là-bas. Et après, naturellement, pareil, j'ai enchaîné sur une école de ciné, mais j'ai pas fait de BTS parce que j'avais l'impression que ça allait être trop restrictif. Je voulais, il y a tellement de tout qui me passionne dans la vidéo, que ce soit l'image, le son, la réal, le montage. Tout, que j'avais pas envie de me restreindre à me dire je vais faire 2 ans que d'image ou que de son ou que de montage. Ou du coup je cherchais à avoir des écoles de réalisation. Alors bien sûr j'ai regardé les écoles publiques, la Fémis, Louis Lumière, mais en fait C'est des il fallait bac un plus 2 bac plus déjà. 2, ouais, pour les atteindre. Et surtout je suis pas cinéphile à la base, je ne me suis pas lancé dans la vidéo parce que je consommais énormément de films, c'est pas ça. Donc tu étais par rapport aux pubs, tu étais sensible par rapport à quoi exactement? Mais c'était un jeu. Je jouais, je faisais des vidéos parce que ça m'amusait. Et bien sûr, j'essayais de reproduire les films que j'avais vus, mais ils sont peu nombreux. Et c'est vraiment pas. Tu vois, je viens d'une petite ville en Picardie, il n'y a pas de cinéma. On allait rarement au cinéma à Amiens, du coup. Et puis, on n'avait pas de cassettes, enfin, on avait très peu de cassettes VHS parce que ma mère trouvait ça absurde d'en acheter. Parce que on allait les regarder une fois puis les stocker, quoi. ce qui est pas bête. Du coup, on pouvait louer, mais au final, on louait rarement. Bon, bref, ouais, j'ai pas eu un. Même si j'adore et encore aujourd'hui regarder des films, je suis pas un. Enfin, je dois m'avouer ne pas être un grand cinéphile. Et du coup, je me disais, dans ces écoles-là, jamais je serais accepté. J'ai pas assez de culture cinématographique pour être pris dans ce genre d'école. Mais est-ce que tu conseillerais du coup aux gens qui veulent commencer le cinéma et qui sont pas spécialement cinéphiles, donc de se créer une cinéphilie ou à ce moment-là qu'on s'en fiche totalement et qu'il faut voir ça comme un jeu? Bah, pour moi, je conseillerais juste de faire ce qu'ils ont envie de faire et de pas essayer de tracer un chemin qui pense être le bon. Enfin, moi, j'arrive pas à mettre des efforts dans des choses qui ne me plaisent pas et juste parce qu'on me dit qu'il faudrait ça ou quoi, je sais que je vais être mauvais. Enfin, je vais pas bouffer des films pour bouffer des films juste pour me faire une espèce de culture artificielle. Si ça vient pas de moi, j'ai l'impression que ça sert à rien et ce sera pas authentique comme démarche. Et non, je conseillerais juste, mais fais ce qui te plaît et va à fond là-dedans. Et donc, t'aurais pas pu faire quelque chose d'autre que du cinéma, avec du recul? Ou c'était un des trucs qui t'amusait parmi tant d'autres? Ouais, c'est le truc qui prédominait. J'adore le web aussi. C'est-à-dire, j'ai appris tout jeune à programmer des sites internet. Et j'ai aussi, je faisais aussi de la musique. Mais en gros, non, c'était la vidéo était le truc finalement qui pouvait rassembler tout. Mais d'ailleurs, c'est une vraie question. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait et qu'est-ce que je ferais aujourd'hui s'il n'y avait plus de vidéo et avec le coronavirus là? C'est une question aussi qu'on se pose. Enfin, c'est. Tout le monde est Ça impacté, hein. remet en question Tous les corps de métier. tellement de choses. Bah ouais, puis tu sais, on a fait une série qui s'appelle L'effondrement avec les parasites. Et justement, où on imagine, bah on imagine la fin de la civilisation telle qu'on la connaît, thermo-industrielle, où du jour au lendemain, bah ouais, il n'y a plus les ressources nécessaires. Et nous, dans notre cas, même si on ne précise pas dans la série, on imagine qu'il n'y a plus de pétrole du jour au lendemain. Et du coup, tout se casse la gueule. Et en vrai, si l'énergie aussi se casse la gueule. En fait, on s'en fout de la vidéo, ça sert à rien. Enfin, c'est pas ça qui va nous faire survivre. Et surtout, s'il n'y a plus d'électricité, on pourra plus faire de vidéo. Du coup, je me dis, merde, il faudrait peut-être que je commence à me reconvertir dans la radio, acheter des low-tech, enfin, c'est-à-dire de la radio pas numérique, mais de la radio à l'ancienne, sur les ondes. Enfin, tu Mais vois. du coup, oui, non, mais enfin, ça, c'est une crainte que qu'ont beaucoup d'artisans du monde audiovisuel. Mais un monde sans art, ce serait quand même bien triste, avec du recul. Ouais, bien sûr, mais c'est un art moderne finalement le cinéma, la vidéo. Oui, c'est vrai. Il y a des arts qui nécessitent moins d'énergie pour être produits quoi. On pourrait écrire des livres, on pourrait dessiner, faire du théâtre. Enfin bref, le théâtre m'attire pas mal aussi, mais je me suis jamais lancé dans la mise en scène et l'écriture de pièces, ouais. Et ça t'intéresserait d'avoir de tester beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'art et beaucoup plus de terrain de jeu? Bah le théâtre, ouais, j'essaierais bien. Mais oui, j'aimerais prendre plus de temps, mais tu sais, j'ai plein. En fait, j'ai l'impression que plus tu crées, plus t'as envie de créer. Il y a une espèce de boulimie et de d'addiction à la création que j'adore et en même temps qui est frustrante parce que tu peux. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des projets que jamais je pourrais faire, enfin que j'aurais jamais le temps de faire. C'est pas frustrant aussi par rapport au recul de se dire on peut créer plein de choses, mais au bout d'un moment, tellement on crée de choses, on n'a plus le recul de savoir si c'est bon, et du coup, on a peur de virer sur un processus où on va plus miser sur de la quantité que de la qualité. Je me pose pas ces questions-là. En fait, je cherche juste à faire les trucs, encore une fois, qui m'amusent, et je suis pas dans une quête de performance à tout prix ou de qualité. Enfin, bien sûr que j'essaie de faire les choses le mieux que je peux, mais en fait, l'élan, il vient pas enfin, l'élan, il vient ouais de s'amuser quoi, de faire un truc qui m'éclate, de faire oh j'ai envie de faire ça, vas-y je le fais. C'est pas genre je vais faire le meilleur film ou je vais faire la meilleure pièce de théâtre ou et faire le truc de qualité suprême, non, c'est pas, enfin en tout cas j'arrive pas à être ça me bloque plus qu'autre chose de chercher une forme de perfection. Mais du coup, quand tu crées et quand tu t'aventures dans de nouveaux projets, est-ce que tu es dans une approche de bidouille Ah ouais. ou comme beaucoup de réalisateurs internet, où tu fais très attention à la technique? Ah bah c'est pas incompatible. Oui, c'est pas incompatible, mais il y a des personnes qui cherchent à se former, à avoir une connaissance omnisciente sur un sujet avant de se lancer, et il y en a qui essayent de passer par d'autres chemins un petit peu moins classiques, entre guillemets, pour arriver à leur fin. Ah ouais, non, bah j'explore à fond la technique. Par exemple, j'ai voulu commencer à faire des lives et j'ai exploré à fond. Je voulais absolument que les lives que j'allais faire soient au moins de la même qualité que si c'était pas en live. Et du coup, je m'étais lancé un défi. Donc, tu vois, je cherchais à faire de la qualité, mais après, ça, c'est la qualité technique, limite secondaire, quoi. C'est plus la qualité du contenu qui est important. Mais oui, je cherche. Bon, je sais pas trop si je réponds à ta question. Ah ouais, non, bah j'explore à fond la technique. Par exemple, j'ai voulu commencer à faire des lives et j'ai exploré à fond. Je voulais absolument que les lives que j'allais faire soient au moins de la même qualité que si c'était pas en live. Et du coup, je m'étais lancé un défi. Donc, tu vois, je cherchais à faire de la qualité, mais après, ça, c'est la qualité technique, limite secondaire, quoi. C'est plus la qualité du contenu qui est important. Mais oui, je cherche. Bon, je sais pas trop si je réponds à ta question. Non, oui, c'est ça, mais enfin, donc tu te considères comme un autodidacte? Je pense qu'on est tous des autodidactes. Même si on fait des écoles, au final, la majorité de ce que tu vas apprendre va être sur le terrain. Enfin, je veux dire, t'apprends toute ta vie, donc. Mais je peux pas. J'ai fait une école, mais je considère, oui, avoir appris beaucoup plus de choses, non pas grâce à l'école, même si l'école, en fait, t'apprend des choses par le fait qu'on a pratiqué beaucoup, et du coup, en faisant, on a appris. Mais j'ai l'impression que le savoir n'est pas tant venu des professeurs que de la pratique ou d'internet ou ouais la pratique quoi, de la bidou, de l'exploration, la passion en fait de faire quoi. Et donc pour commencer tous ces projets, donc toutes ces vidéos dont tu parles de la période où tu étais en école de ciné et même un petit peu après, tu les faisais par toi-même ou tu étais déjà soutenu par des prods et des grosses infrastructures? Oula, non, non. Ah bah non, c'était moi-même, c'était autoproduit. Ah non, c'est arrivé tard. Tu vois, la série L'Effondrement, c'est la première série qui est financée qu'on a écrite. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des trucs de commande, c'est-à-dire où on me demande de réaliser des choses que j'ai pas écrites. Mais L'Effondrement, c'est le premier projet qui est financé entièrement et qui est initié par moi et Jérémy et Bastien des Parasites. Créé par Canal+, du coup. Enfin, Financé par produit, Canal+, financé ouais. par Canal+, c'est ça. Ok, d'accord. Mais du coup, quand t'as commencé, tu commençais avec quoi? T'avais ton petit ordinateur, t'avais une caméra ou tu louais, tu faisais comment? Ah non, bah ouais, comme j'avais du matos de merde, mais comme je te disais, j'ai commencé sur une caméra H8 de mon père. Mon père, en voyant que je me passionnais pour ça, m'avait acheté une petite carte d'acquisition pour que je puisse numériser mes H8 sur un ordinateur. Et du coup, j'ai commencé le montage avec Pinacle Studio. Et C'est après, l'ancienne j'ai. école, ça. Ouais, et après, j'ai découvert Adobe Premiere Pro. Et je commence à bidouiller là-dessus. Ensuite, mon grand-père m'a offert une caméra numérique de vacances, tu vois, un tout petit truc, mais que je trouvais incroyable pour l'époque. Enfin, la qualité changeait du tout au tout pour moi, du H8 au DV, quoi, sur cassette mini DV. Et non, après, c'est que très tard où j'ai eu une caméra, quand j'ai monté ma boîte, mais alors c'était bien après l'école de ciné et tout, où j'ai monté ma boîte et j'ai investi dans une caméra, la Sony FS700. Mais sinon, ouais, pendant l'école, bah, t'as le matos de l'école, et puis après l'école, il y avait des potes qui avaient des 5D, des choses comme ça, des appareils photo qui filmaient, les premiers trucs qui ont filmé, enfin les premiers appareils photo qui proposaient de filmer, et du coup, première fois qu'on avait des caméras numériques et grands capteurs, et puis bah, on se les prêtait, quoi, enfin les potes prêtaient, et voilà. Et donc pour Parasite, t'as ramené ton propre matériel, c'est tout le monde qui a ramené son propre matériel? Ouais, en gros, les parasites sont nés. Parce que je venais d'investir dans une caméra, dans la Sony FS700, ouais. Et du coup, ça me paraissait encore plus simple de pouvoir faire des films. C'est clair que quand, à partir du moment où t'as ton matériel, ça débloque pas mal de choses parce que t'as plus de raison de ne pas faire, quoi. Mais même de pas avoir de matos, c'est limite pas une raison de pas faire. Aujourd'hui, on a tous du matos. Je veux dire, tu peux très bien faire un film avec un smartphone et ça peut être très bien. Alors après, si en effet tu fais pas un film pour raconter une histoire, mais tu fais un film parce que tu veux faire de belles images, oui, tu vas pas trouver la motivation de le faire. Mais du coup, quelle a été la démarche dans la création des Parasites? C'était juste se faire kiffer entre potes, toujours cette démarche de terrain de jeu? Ah bah ouais, clairement, c'était les défis. En gros, pour tout te dire, j'ai voulu participer à un 48 heures film project, je crois que c'était en 2012. Et j'étais parti en, tu vois, sorti de l'école, j'étais parti pour gagner, tu vois. J'étais parti en mode, ouais, on va prendre une grosse équipe. On a été dans une grosse baraque d'un pote. On avait plein de comédiens, on avait deux monteurs, on avait, enfin, tu vois, une grosse équipe. Et on a fait un film. Alors, le scénario me plaisait pas, mais on a tourné quand même. On a tourné pendant 24 heures non-stop, n'importe quoi, du samedi midi au dimanche midi. Mais on envoyait les rushs au fur et à mesure à des monteurs qui faisaient le montage. Et à la fin, on avait un film de 12 minutes au lieu de 7 max. Donc les monteurs, en fait, au fur et à mesure, ils ont dû réduire le truc. Et le film était pourri, le son était à chier parce qu'on avait fait une merde. Enfin bref. Et je l'ai pas rendu. On l'a pas rendu. Et c'est l'année d'après où je me suis dit, allez, cette fois, je le refais. Et je vais nommer l'équipe les Parasites parce qu'on va être les Parasites du concours parce qu'on le fait pas pour gagner, on le fait juste pour s'amuser. J'avais envie de retrouver justement le fun, le plaisir, le jeu juste de faire comme quand j'étais plus petit, quand j'étais au collège ou au lycée, quoi. Je faisais des films avec des potes, c'était sans aucune prétention, c'était juste de s'amuser, quoi. C'était un jeu. Et vous avez gagné à ce moment-là, du coup? Et on a fait Tentative 49 et on a eu le prix de la meilleure réalisation à Paris. Ouais. Et après, et en fait, ça s'était tellement bien passé. Enfin, on n'était que 5 dans l'équipe, pour te dire, dont Réa, qui bosse avec nous sur l'atelier 7, là, en ce moment, une résidence de création qu'on a montée, qui faisait pas partie, enfin, qui n'était pas du milieu de la vidéo. Et à l'époque, et deux comédiens, et Jérém et moi, quoi. Et voilà, l'équipe, on était 5 et c'était vraiment en mode à l'arrache pour le fun. Et puis finalement, ça a permis de me prouver qu'on pouvait faire des films avec une toute petite équipe, sans se soucier vraiment de la technique, parce que la technique, quelque part, je la maîtrisais déjà, donc j'avais pas besoin d'avoir une équipe de dingue, d'avoir des lumières ou quoi que ce soit, on pouvait s'en passer, on pouvait faire des images potables sans toute une artillerie de technique, quoi. Et voilà, et du coup, c'est ça vraiment qui a boosté, merde, pardon, qui a boosté la création, quoi. Enfin, en tout cas, de me prouver que, ouais, lâchons la perfection et juste retrouvons l'état original du jeu et faisons pour s'amuser, parce que c'est pour ça que je fais ce métier, quoi, parce que ça m'amuse. Et c'est pour ça donc que tu t'es vraiment spécialisé dans Internet et pas dans un secteur comme la pub ou le long métrage directement? Oh bah, le long métrage directement, ça aurait été. Enfin, je sais pas comment on passe du long. Enfin, je sais pas comment on va au long métrage directement. Pour convaincre des producteurs et tout que t'es capable d'écrire, réaliser un long, il faut quand même avoir fait ses preuves en court métrage. Mais non, c'est pas. Ouais, Internet me. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas aussi évident de répondre à cette question. C'est pas un choix. Enfin, si, j'aurais pu m'orienter à fond vers la publicité, mais en fait, ça me plaît pas tant que ça. Enfin, encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos de commandes pour entreprises, et donc des petites publicités, et entre autres à destination du web. Et en fait, je me rendais compte que si je continuais à faire que ça, j'allais péter un plomb. Enfin, ma passion de la vidéo n'était pas du tout. Enfin, j'avais peur de finir par détester la vidéo, quoi, si je continuais là-dedans. Donc c'est entre autres les 48 heures qui ont sauvé la passion, quoi. Donc c'est à force de faire du corporate et toutes ces choses-là, ça t'aurait déprimé. Ah ouais. Ouais, ça m'aurait dégoûté de ma passion, quoi. Ça aurait tourné ma passion en obligation et plus du tout en jeu. Et ouais, non, je suis content d'avoir pu prendre ce virage et grâce aux 48 heures, en vrai. Je conseille tous ceux qui veulent aller dans la création à se lancer ces défis 48 heures, c'est trop bien. C'est une école de dingue aussi. Tu peux rappeler le concept du 48 heures, peut-être pour les personnes qui connaissent pas du tout? Bah, en gros, t'as 48 heures pour faire un film. Donc t'as des contraintes le vendredi soir, c'est le temps d'un week-end, quoi. T'as des contraintes qui sont données le vendredi soir, une ligne de dialogue imposée, un personnage imposé, un objet imposé, et chaque équipe tire au hasard aussi un genre. Et ensuite, t'as 48 heures pour écrire, tourner, monter et rendre ton film le dimanche à 19 h, quoi. Ça t'a plus appris que l'école de ciné, du coup, le 48 heures? Je pense pas que ce soit quantifiable comme ça, mais en gros, ça m'a appris à écrire. J'ai l'impression que les 48 heures sont une superbe école pour apprendre à écrire des scénarios, parce qu'en fait, tu t'écris et tu tournes, tu réalises, tu montes, et t'as le résultat en moins de 48 heures, et du coup, tu comprends très vite ce qui a marché ou pas à l'écriture. Et c'est génial parce que d'habitude, quand tu fais un court-métrage, une fiction, tu t'écris et puis finalement, tu mets plusieurs mois à concrétiser ton projet. Et du coup, ton temps d'apprentissage, il est hyper, hyper lent. Et finalement, je pense que c'est moins évident où est-ce que t'as merdé, alors qu'en 48 heures, tu le vois direct, quoi. Pourquoi ça n'a pas marché? Et j'ai l'impression d'avoir découvert ma passion pour l'écriture au moment des 48 heures. Mais du coup, quand tu vas faire des projets un petit peu comme le déménagement que tu as réalisé pour Cyprien ou les vidéos de remerciements d'abonnés de Ludovic, donc des choses qui sont à destination de YouTube et donc d'un énorme public, est-ce que tu vois ça comme un terrain de jeu, de l'amusement, comme pour tes 48 heures, ou tu vas voir quelque chose de beaucoup plus professionnel et cordial à travers ces créations? Ah bah avec Ludovic, clairement, c'est un jeu et c'est des défis qu'à chaque fois on se lançait à vouloir faire des trucs impossibles, surtout pour le million de Ludovic, bon là, qui était financé et qui a permis de rêver plus grand, mais oui, c'est un délire en fait. Et ça a été aussi une superbe école. On a dû, parce que malgré le budget, en fait, le budget reste restreint pour l'ambition du truc, et du coup, tu dois trouver des façons de faire. Enfin, on devait, il y a, bah pour le million de Ludovic, on devait en 2 jours tourner 100 plans. On avait fait un découpage à l'extérieur avec Ludovic où il y avait 100 plans. 100 plans à tourner, donc 50 plans par jour, c'est énorme. C'est énorme. Et 2 jours. Donc, heureusement, c'était l'été, mais on ne pouvait pas faire des journées à rallonge parce que la lumière allait tomber et du coup, c'était plus possible de tourner. Et en plus, le samedi, donc le premier jour, on a tourné un week-end parce qu'il nous fallait de la figuration. Et beaucoup de figuration. Et le samedi, il se met à pleuvoir à 17h et on le savait. Mais en fait, on n'avait pas le choix, on pouvait pas reculer le tournage. Et bah, il s'est vraiment mis à pleuvoir à 17h le samedi. Du coup, on avait 15 plans de retard. On a dû faire 65 plans le lendemain. Et on les a fait, mais c'était. Enfin, tu vois, non, c'était génial comme tournage parce que c'était un défi, quoi. En fait, c'est. Oui, finalement, je me rends compte que c'est à la fois le jeu, mais le défi, quoi. C'est relevé. Mais c'est la découverte, c'est quand. Je me rends compte que quand je tombe dans une routine, comme les vidéos de commande ou même finalement les 48 heures, au bout d'un moment, on a tendance à les réaliser toujours. Enfin, j'avais tendance toujours à les réaliser de la même façon. Parce que, bah, manque de temps ou manque de challenge qu'on se pose à nous-mêmes, en fait. Et du coup, tu tombes dans une routine où ça finit par te. Tu comprends même plus pourquoi t'aimes ça. Et j'ai l'impression que c'est la découverte de la nouveauté et les challenges qu'on peut se lancer qui pimentent tout ça et qui te. Enfin, en tout cas, moi, qui me donne la foi. La motivation. Ouais, la motivation, ouais. Mais du coup, quand tu vas te lancer dans des projets comme ça, qui sont à destination quand même d'un grand public, donc beaucoup, beaucoup d'abonnés qui vont suivre les personnes en question, est-ce que tu prends ça en compte? Est-ce que tu prends la communauté du créateur en compte dans ton montage, dans tes choix, ou tu vas t'affranchir de ça pour créer quelque chose d'original qui aurait pu aller à n'importe qui? Bah, t'as forcément conscience que, enfin, comme je disais au début, tu fais une vidéo pour qu'elle soit vue, donc t'as conscience des gens qui vont la regarder. Et en effet, quand tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, t'as une espèce de responsabilité à pas dire complètement, enfin, essayer d'avoir un propos qui soit pas complètement débile et faux ou, enfin, je sais pas comment dire, pas forcément faux, mais un minimum réfléchi et pas. Tu vois qu'on tu anticipes les potentielles critiques par rapport au traitement de ton sujet, quoi. Mais pour Ludovic ou Cyprien, enfin c'est juste c'est eux les auteurs, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui ont écrit le scénario, même s'ils peuvent demander des conseils par moment et qu'on réfléchisse ensemble justement au scénar, parce qu'à un moment il faudra forcément que tu le traduises en images. Bah tu sais dans quel délire ou dans quelle énergie il faut que tu réalises, en tout cas. C'est clair, enfin, c'est tellement évident pour Ludovic que ça va être de la comédie, et puis il avait envie de se faire des espèces de blockbusters pour Internet, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop si je réponds bien à ta question, mais je pense pas que ça soit, je pense pas que ce soit beaucoup plus réfléchi que ça, quoi. C'est pas genre, ok, on a une audience de machin, ça se joue pour moi à l'écriture. Mais après, enfin l'écriture du scénario, pas tant à la réalisation. Mais après, oui, bien sûr, la réalisation, ça inclut aussi le montage, et on sait qu'il faut accrocher les gens, mais sur Internet, mais comme partout ailleurs maintenant, sauf peut-être quand tu sors un film en salle, où tu sais que les gens vont être bloqués en salle, mais après, il aura une seconde vie en télévision ou sur des plateformes de VOD. Et du coup, t'as tout intérêt à accrocher les gens le plus efficacement possible dès les premières secondes, minutes de ta vidéo. Donc, mais finalement, la règle est un peu la même pour tout, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui va restreindre ton travail ou comme une nouvelle source pour une nouvelle liberté? C'est-à-dire, je vois quoi? Je vois quoi? La création sur Internet? Non, mais c'est-à-dire, est-ce que tu vois cette, non, cette accélération du rythme, comme tu dis, le fait que tu dois accrocher les gens très rapidement, est-ce que tu vois ça comme des contraintes à respecter ou comme de nouvelles libertés qui vont te permettre d'exprimer de nouveaux types de contenu? Bah c'est une contrainte que je me mets moi, tu vois, c'est même quand on a écrit l'effondrement, on sait que... Mais en fait, tu sais, enfin, comment on réfléchit le truc avec Bastien et Jérémy, on écrit et on fait les films qu'on aimerait voir nous. Donc on sait très bien qu'on n'a pas envie de voir un film où on se fait chier devant, tu vois. Donc, enfin, la logique, elle est juste là, c'est juste de se dire qu'est-ce qu'on a envie de voir. Et oui, on a envie d'être accroché dès les premiers instants pour... poser une intrigue assez rapidement et du coup être accroché et avoir envie en tant que spectateur de connaître la suite et la fin. Je pense pas encore une fois avoir répondu à ta question, mais... Non, mais c'était globalement ça. C'était juste que là, ce qui se crée sur Internet avec cette accélération du rythme, est-ce que tu penses aussi que ça se transpose au cinéma et dans tous les autres domaines? Est-ce que tout ce qui part d'Internet va impacter les autres types d'art? Ou tout ce qui se passe sur Internet reste sur Internet? Ouais, bah oui, mais je pense que c'était le. Enfin, je pense qu'à la télévision, pareil, ils ont intérêt à être. Pour pas que les gens zappent, ils ont intérêt à t'accrocher dès les premières secondes aussi, pour pas que tu zappes de chaîne avec leur publicité. Donc, ouais, il y a une accélération, mais finalement, tu regardes. J'ai l'impression qu'on va difficilement pouvoir aller plus vite que ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Ouais, ou un format ou comme les publicités YouTube avec où quelque chose doit se passer dans les 5 premières secondes. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tant l'accélération qui va primer, c'est l'écriture, c'est à quel point tu arrives à poser des. À écrire quelque chose qui accroche le spectateur. C'est pas tant la vitesse qui va accrocher le spectateur, c'est l'enjeu que tu poses, c'est l'intérêt que le spectateur il va avoir à regarder la suite ou pas. Mais tu peux mettre un. Enfin, tu peux commencer une histoire en mettant un élément choc au début qui va t'accrocher comme ça. Mais c'est pas pour autant que tu auras envie de voir la suite s'il y a aucun enjeu, aucune intrigue qui est posée, aucune question qui est posée, aucune promesse non plus sur ce que tu vas voir ensuite, quoi. Okay, mais du coup, tu trouves ça positif ou négatif de devoir s'adapter à toutes ces nouvelles contraintes? Ben, je pense pas que ce soit des nouvelles contraintes. C'est juste qu'il y a plus de contenu. Enfin, si, la contrainte, c'est qu'il faut se faire une place parmi beaucoup, beaucoup d'autres contenus. Mais non, je vois ni ça négatif, ni... C'est un challenge. Je vois pas ça de façon négative. T'es toujours dans une optique de challenge quand tu crées ton travail, du coup? Ouais, je pense que c'est ça qui m'amuse en tout cas. C'est... Tu vois, quand on a fait la série L'Effondrement, on s'est dit, allez, on va faire tous les épisodes en plan séquence. Chaque épisode sera un plan séquence. Et en fait, ça donne une motivation de dingue. Enfin, c'est un truc qu'on avait fait qu'une seule fois un plan séquence, tout un court-métrage en plan séquence, d'ailleurs, qu'on avait fait en 48 heures. Et on avait trouvé ça tellement cool que du coup, c'était vraiment cool à faire, quoi. Et on était content du résultat. Et du coup, bah, c'est parti, on s'est lancé ce défi de se dire, allez, on fait ça, mais parce que ça pousse quelque part de se mettre des contraintes, ouais, ça pousse à la créativité, ça pousse à trouver des nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et ouais, c'est ça qui m'amuse. Et est-ce que du coup ce challenge, ça va être le mot d'ordre qui va être le mot d'ordre de l'enseignement de l'atelier 7? Ou ça va être autre chose, le pilier de cette création? Non, non, c'est pas du tout un pilier, c'est l'atelier 7, c'est complètement libre, y a pas de les gens vont l'idée c'est vraiment une résidence pour ceux qui faut que je t'écrive un peu c'est quoi le projet. L'atelier 7 en gros, c'est basé sur le principe des écoles démocratiques, c'est-à-dire c'est pas une école alternative, c'est une alternative à l'école, c'est-à-dire que c'est pas une école. C'est pour ça qu'on a arrêté, nous, de l'appeler ça une école démocratique. On appelle ça désormais une résidence de création. Et l'idée, c'est tu es avec d'autres passionnés comme toi et tu es libre de faire ce que tu veux, c'est-à-dire d'apprendre, d'expérimenter, de faire des films, des vidéos, ce que tu veux. Et du coup, même si tu as envie de passer une journée à regarder des tutos sur Internet ou à lire des livres pour apprendre, bah, tu le fais. Et du coup, non, enfin, je pense que c'est propre à ma personne. Je pense que tout le monde n'est pas motivé par les mêmes choses. Moi, je suis motivé, en effet, peut-être par les défis, la nouveauté. L'amusement, et puis peut-être d'autres vont être motivés par d'autres choses. Donc c'est pas, on va pas imposer des défis aux gens, même si oui, enfin rien ne sera imposé à l'atelier 7, même si en fait le principe aussi c'est que toutes les semaines, en tout cas, tous les participants et participantes se retrouvent pour faire des conseils démocratiques et du coup voter ensemble de s'il y a des projets communs qu'on veut faire ou même remettre en question l'organisation de l'atelier 7, ou même remettre en question un intervenant qui viendrait, et si tout le monde dit bah en fait on s'en fout, et ben on lui dira de pas venir, tu vois. L'idée c'est vraiment c'est les participants qui font la résidence, et c'est pas nous. Nous on proposera pareil, mais s'ils votent, par exemple on a un pré-programme à proposer, comme des défis vidéo 48 heures, en effet on a envie de leur proposer des 48 heures, mais si tout le monde dit bon, on s'en fout de vos 48 heures, on va pas les faire, et bah tant pis, ils les feront pas. Mais ça serait con. Je pense pas que ça agira comme ça, mais c'est possible, et c'est pas un souci. Je pense que, enfin ouais, l'idée c'est vraiment de suivre ce que les gens. Ça vient aussi d'une frustration, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'avoir finalement perdu énormément de temps à l'école tradie, quoi, c'est-à-dire collège, lycée, où on a des programmes préétablis de choses qu'il faut apprendre et qui peut-être développent une intelligence, mais qui pour moi je l'ai plus vu comme un tri, quoi. Ils sont là pour nous trier, enfin l'école est là pour nous trier, nous mettre dans des cases, nous amener vers des carrières qui vont remplir les métiers nécessaires à faire tourner la société, quoi, mais en aucun cas à notre épanouissement et à découvrir nos passions et ce qu'on aime et à apprendre. Moi, je suis tellement meilleur à apprendre ce qui me passionne qu'à apprendre un truc où je m'en fous, quoi. Je pense que c'est le cas pour la majorité des gens. Mais donc, ça veut dire que la création de cet atelier 7, c'est encore une fois quelque chose que tu aurais aimé avoir quand tu sortais du lycée. Mais ouais, carrément. Donc, en fait, tu crées des choses pour ton toi du passé Oui. et ton toi du présent, du coup. Je crée les choses que j'ai envie de voir dans le Et monde. tu penses que c'est la bonne démarche pour créer ou c'est une démarche parmi tant de... Bah, c'est ma démarche, mais ça peut être la démarche d'autres gens aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui me. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me pousse à faire. Enfin, c'est même pas réfléchi au final, c'est juste évident. Mais oui, quand l'idée est venue avec Jérém de créer une école démocratique de vidéo, on s'est dit, bah vas-y. Enfin, tu vois, on se disait, putain, ce serait trop bien que ça existe. Puis on se dit, bah vas-y, on le fait. Et voilà, on se lance dans ce truc-là. On n'a jamais monté une école, une résidence, quoi que ce soit. Mais on se dit, vas-y, on a appris plein de trucs. Et c'est trop bien. Et ouais, on a vraiment hâte, en vrai, que ça ait lieu. En juillet, en espérant que le confinement sera résolu, mais Parce que je précise quand même que cette interview est faite par Skype, en confinement. ouais, en plein confinement. C'est quand même terrible comme condition. Mais bon, on y arrive jusque-là. Et du coup, pour tes futurs projets, tu as envie de vraiment te concentrer sur cette épreuve, sur cette école, ou bien de continuer d'être assez polyvalent et de toucher à plein de domaines comme ce que tu fais actuellement et ce que tu as fait ces dernières années? Ah ouais, non, j'ai du mal à me mettre sur un seul projet à la fois. Même si des fois je me dis, putain, tu devrais te concentrer sur un truc à la fois et tout, mais en fait, c'est peut-être. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi une force dans le sens où quand il y a un projet qui te saoule, bah t'en as toujours un autre sur lequel tu peux aller, quoi. Tu fais partie donc des personnes qui aiment bien avoir plein de projets pour ne jamais s'ennuyer et toujours toucher à quelque chose de nouveau. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas une stratégie que je mets en place pour c'est juste j'ai envie de faire des trucs et je les fais, quoi. Donc c'est ça, ton message principal, c'est de conseiller aux gens, faites ce que vous avez envie de faire et ça va marcher. Mais moi, je conseillerais aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est tout. Mais ouais, faites ce qui vous plaît. Bah, ça va marcher si vous enfin, J'en sais rien. Moi, je sais pas ce que je, si ce que je fais va marcher avant de le faire. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, tu fais et... Mais en fait, si... Enfin, j'ai l'impression, là où je peux mettre le plus d'énergie, c'est quand ça m'amuse. Du coup, si ça t'amuse et que t'es comme moi, que t'arrives à... Que quand c'est un jeu et quand ça te plaît, ce que tu fais, bah, tu t'y vas à fond. Et ben, je vois difficilement comment tu peux ne pas accomplir le truc à la fin, même si quelque part il faut un lâcher prise, c'est-à-dire l'atelier 7, si il y avait zéro inscrit, je le prendrais pas personnellement, tu vois. Je me dis bon bah c'est une idée qui était pas dans l'air du temps ou qui convient à personne et c'est pas grave. Moi ça m'aurait plu d'avoir ça et finalement tout le monde s'en fout. Mais peut-être j'arrive à avoir cette confiance ou plutôt cette non de pas avoir peur de l'échec parce que j'ai d'autres choses à côté qui me Et puis que dans tous les cas, je me serais amusé à essayer de le créer. Mais oui, comme j'ai d'autres projets à côté dont je suis fier, et bah du coup, peut-être c'est ça qui fait que je tiens, j'en sais rien. Ou que j'ai pas peur de me lancer dans des trucs. Mais non, j'ai le seul conseil que j'ai à donner, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Amusez-vous. Mais toi, t'as jamais eu peur de l'échec? Tu t'es jamais dit avant de commencer un projet, mince, ça va pas marcher peut-être et tout? Bah si, mais finalement c'est limite une leçon qu'on s'est tirée aussi avec Jérémy et Bastien. C'est tu vois quand on s'est mis à faire des vlogs, c'est con, hein, c'est des trucs hyper cons, mais on s'est mis à faire des vlogs sur les parasites, bah on a flippé, on s'est dit oh, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser et tout, est-ce que ça va être regardé tout ça et au final on s'est un peu tiré à la conclusion que si ça fait peur c'est qu'il faut y aller. Et du coup, limite c'est un bon indicateur quoi. Si tu flippes c'est que c'est ça qu'il faut faire. Si finalement tu prends aucun risque, bah tu feras rien de nouveau, d'original ou de... Enfin, ouais, j'ai l'impression que forcément ça fera flipper un moment. Forcément, à un moment tu te diras, ouais, je prends des risques ou ça va être nul ou j'en sais rien, mais c'est normal. Donc la flip, c'est un moteur. C'est ça que t'es en train de dire. Bah il faut arriver à le transformer en moteur, ouais. Limite, il faut arriver à se dire au moment où tu flippes, tu te dis... Ok, si je flippe, c'est qu'il faut que je le fasse. Et donc toi, c'est comme ça que t'as fonctionné et c'est comme ça que t'as donc poussé les barrières de ta zone de confort pour évoluer à chaque fois? Non, enfin là, je te dis juste une réflexion qu'on s'était faite après. Non, mais ouais, du coup, c'est peut-être à force de lancer des projets, bah, t'as plus peur de les lancer. Et en fait, c'est aussi la conscience que j'avais pas au début, c'est la conscience du temps long, du long terme. On a tendance à vouloir un résultat immédiat, tu vois, à faire quelque chose et que ça marche direct. Mais en fait, il y a des projets qu'on a lancés et jamais on aurait pensé que ça allait devenir ce que c'est devenu. Mais c'est sur le temps long que ça se transforme en quelque chose même que t'avais même pas anticipé. Tu vois, finalement, rouge, vert, bleu, l'aboutissement, même si c'est pas l'aboutissement, parce que ça continuera sous d'autres formes, mais c'est l'atelier 7. Et même, j'avais jamais envisagé de faire des formations. J'ai donné des formations de 5 jours que j'ai proposées. De moi-même sur Internet, mais dans le monde réel, c'est-à-dire on se regroupait à 15 personnes et je donnais des formations intensives de 5 jours. Enfin, quand j'ai monté Rouge Vert Bleu, jamais je pensais que ça allait faire ça. Quand on a fait les 48 heures, jamais on pensait que ça allait devenir une chaîne YouTube Les Parasites, qui allait avoir plus de 500 000 abonnés, et puis qu'on allait faire une série financée par Canal. Enfin, ça a été vraiment le temps long. Pareil, on a aidé une chaîne qui s'appelle Thinkerview, une chaîne d'interview, et à l'époque, il y avait 4 000 abonnés, on faisait ça. Jamais on pensait que ça allait avoir une audience de plus de 500 000 personnes, parce que c'était des interviews hyper longues, d'une heure et demie, 2 heures. Enfin, et finalement, c'est devenu un truc énorme. Enfin, du coup, la leçon, c'est aussi, en fait, n'ayons pas peur de lancer des trucs, parce qu'on sait jamais ce que ça va devenir derrière. Et même si c'est petit aujourd'hui, peut-être dans quelques années, ça va devenir quelque chose. Après, si ta seule intention, c'est... Je le fais parce que peut-être dans quelques années ça va devenir quelque chose, c'est peut-être pas. Tu vas peut-être pas arriver à durer. Tu vas peut-être pas tenir sur la durée. Donc vaut mieux qu'il y ait une motivation réelle derrière de projet te plaît et tu t'amuses à le faire, ouais. C'est beau, c'est très très beau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. T'as fait quelque chose à dire encore ou pas? Très très impromptu comme très très impromptu comme truc. Je pense qu'on a une responsabilité, tu vois, parce qu'on a un pouvoir, et comme disait l'autre. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et non, clairement, et d'autant plus quand justement on commence à avoir une audience, Mais même quand on n'a pas d'audience, toute création a un public et du coup, y a un pouvoir, on a un pouvoir de communication, de transmettre des idées, de faire réfléchir, de questionner les gens. Et du coup, vu le monde dans lequel on évolue et la direction qu'on prend, qui s'annonce pas joyeuse, on a peut-être une part de un outil incroyable entre nos mains. Et du coup, ouais, j'encouragerais tous ceux qui sont passionnés par la création de vidéos de s'emparer de ça pour le bien. Voilà. Ouais, pour la survie de la vie sur Terre, tout simplement. La survie humaine. Félicitations. Et tu verrais qui, du coup, dans ce fauteuil pour parler de ce sujet qui est le développement de l'art? Bah, un scénariste. Un scénariste? Bah ouais. T'as un scénariste comme ça qui... Bah non, je te laisse trouver quelqu'un qui te plaît. Très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et n'hésitez pas à noter le podcast sur iTunes et à le partager autour de vous. Ça pourrait vraiment beaucoup nous aider. En tout cas, on se dit à la prochaine et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Salut, Jonathan. Salut!